Le jeune peuple avançait, aux mines effacées. Des clochards fatigués, impondérables sons. La princesse rouge qui les guidait semblait vouloir s'élancer dans l'étendue vaste, éclairée du monde, surplombée par le monde. Désespérante affiche, pourtant massive de tête, telle l'ébauche d'une fête. Un tableau noir, mais bien que riche, qui s'annonce comme la fin d'une quête. Voici le fond d'une pensée nette. La fin des illusions, la détermination, la rente à l'évidence, l'atteinte de l'excellence. Une foule de pas lents, dans les monts innocents mais non indifférents, à la chute, le néant. Thank you.